J'ai 8 mesures, faut que je fasse vite. Cours, cours, bâtard, sur l'instru. Je vais poser le pen plastique. Je radique, ça fait 4 piges que je rappe. Gratter, c'est facile. Péter au pas, si ce rap game, je vais me le farcir. C'était fragile, m'écoute pas. Appuie sur stop. Ce qui sort les grosses caisses dans le quartier. Bien sûr, c'est la drogue, mais jamais ça drogue, sa fierté. Même pour des billets, rappelle-toi-en maintenant, ciao. J'ai 12 canettes à un quillet. Qui est du bon côté du calibre quand la pression monte. Hors norme, sous le parka comme sous le froid. Monte le son, faut qu'on fasse un sort, qu'on sort de cercle vicieux. Surveille tes arrières car tes potes sont pour un chien ou vicieux. Me doute pas, tu connais, du quartier c'est de la coupe part. Je pense à rien dans le ventre, écarte-toi avant que les coups partent. Faut qu'on rêve ta part, mec, parle pas de partage, plein de foireux. Vas-y, casse-toi, moi pour les buts, je plonge pas. Dans ce morceau, y'a pas de titre, y'a pas de thème, on est venu kicker. La prod, si tu veux, approche des baffes, mais sors pas ton briquet. Ça sent le gaz, les chaînes cassent, nos bites, si tu veux astiquer. Faut MC, on les punit, on les met tous au piqué. Pour ce morceau, y'a pas de titre, y'a pas de thème, on est venu kicker. La prod, si tu veux, approche des baffes, mais sors pas ton briquet. Ça sent le gaz, les chaînes cassent, nos bites, si tu veux astiquer. Faut MC, on les punit, on les met tous au piqué. Démarre fort, compteur bloqué dans le coffre. Les jaloux déjà séquestrés, vécu ce sens. C'est 8-3 honneurs, son équipe équipée. Des Macs, d'une bouteille, du JV, de 3 bédo. Pour faire monter le degré d'inspire, on décolle pas ici. Les mythos, les traîtres, y'en a beaucoup ça, tu le sais. Tout ça c'est à l'époque, maintenant marche en famille, j'ai pas de regrets. Si tu veux pas que ta tête saute, saute pas dans la foule quand je suis pas sur scène. Le rap, je le fais saigner comme le sang qui coule dans mes veines. On veut tenir les rênes, gratte, je craque les lampadaires, c'est dingue, trop de face dévoilée. Voyez comme ils comparent les strings voilés. Tu veux savoir qui on est, deux mecs qui rappent avec la face voilée. Deux mecs forgés par le béton avec l'envie. Croqué, grès, ta part, le calibre sous la tempe, verra peine terre au pucelle. Ta vie tu la vois pas, derrière un string ficelle. Ça pillave, s'envole Jack dans la tête. Les roses font d'oseille, chez la prod. Dans ce morceau, y'a pas de kit, y'a pas de thème, on est venu kicker. La prod, si tu veux, approche des baffes, mais sors pas ton briquet. Ça sent le gaz, les chaînes cassent, nos bites, si tu veux astiquer. Faut MC, on les punit, on les met tous au piqué. Pour ce morceau, y'a pas de kit, y'a pas de thème, on est venu kicker. La prod, si tu veux, approche des baffes, mais sors pas ton briquet. Ça sent le gaz, les chaînes cassent, nos bites, si tu veux astiquer. Faut MC, on les punit, on les met tous au piqué. Attente à lyrical sur ce beat, moi j'ai la dalle. J'ai trop faim, je veux graille. Je me répète avec la dalle et comme loot, je mets gros. Raye le parc est gros. Du haut de mes 15 balais. Le rap game, moi je viens le braquer. Des fois MC, je vais tous les tarter. Ils sont tous séquestrés dans la cape du bloc. C'est aidé, mais c'est cassos. Mais si Zastos, ça va faire mal. 8 mesures finies, maintenant je te calme. On est comme des vautours, ça vaut le détour d'un héros court. Mais ça record, les jours s'engourent, les temps s'engorent, le monde se court. On débarque comme le Boeing dans les deux tours. Esprit terre, terre, esprit terre, c'est on envahit terre ciel. On a créé l'étincelle et la lumière vue. Sorti de l'ombre, on vient péter quelques culs. En sa feu de sang, comme dans un charnier. En sa feu de sang, on veut nous charmer. Indomptable, bien vu dans mon mitro armé. Pour ce morceau, y'a pas de kit, y'a pas de thème, on est venu kicker. La prod, si tu veux, approche des baffes, mais sors pas ton briquet. Ça sent le gaz, les chaînes cassent, nos bites, si tu veux astiquer. Faut MC, on les punit, on les met tous au piqué. Pour ce morceau, y'a pas de kit, y'a pas de thème, on est venu kicker. La prod, si tu veux, approche des baffes, mais sors pas ton briquet. Ça sent le gaz, les chaînes cassent, nos bites, si tu veux astiquer. Faut MC.